C'est une poule aux yeux d'or, indifférente envers moi. Au chant du coq durant l'aurore, je l'appelle de mon chemin de croix. C'est une poule qui se dandine